Contrôlez vos connaissances. Écoutez l'anglais et puis dites le français. Listen to the English and then say the French. Et ensuite, écoutez la réponse juste. Then listen to the correct answer. And repeat. C'est ça. Répétez. Here's the first one. Go down. Descendez. The square. La place. Cross. Traverser. Carry on. Continue. Continuer. The traffic lights. Les feux. After. Après. Enfin, deux gares. La première. The railway station. La gare SNCF. Et la deuxième. The bus station. La gare routière. Y a-t-il des problèmes? Alors, écoutez encore la dernière section, puis répétez le test. S'il n'y a pas de problème, continuez.